FrenchPod.com. Viens, Trébuchet. Allons nous promener dans les jardins, vers le hameau. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Tous les jours, c'est la même chose. Regarde, mon bon Trébuchet. Cette ferme ne paraît pas authentique. Comment ça, ma souveraine? Qu'est-ce qu'elle veut encore? Il faut demander aux artisans de refaire tout ça, un peu moins propre. Je transmettrai vos consignes. S'ils ne sont pas morts de faim. Ici, je veux être proche de la réalité et me sentir comme une vraie Française de la campagne. Comme vous le souhaitez. Sauf qu'une vraie Française de la campagne n'a pas le millième de sa fortune. Ah, quelle chaleur! Allons prendre un rafraîchissement au château.